Ah, c'est fou la roulade. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On parle de politique avec François Landry et avec Kiwan en direct de l'Alberta. On reçoit aussi Simon Fitzbé qui nous fait sa chronique Phénomène. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFOU à Trois-Rivières en ce jeudi 13 janvier. Salut François-Olivier Marchand. Salut Mathieu Plante. Ça va? Ça va très bien toi ce matin? Ben oui, ça va très bien. Ça va bien. T'es sûr? Ben ça va. Ça va? Bien. Ça va bien. Problème à la maison? Problème à la maison... Qui nécessite des soins particuliers pour un animal de compagnie. C'est, si on peut donner des indices comme ça sans trop dire exactement. Entrer dans les détails. Ouais, ça saute partout. Ça... Hey! Mais ils ont du fun, par exemple. Ouais, j'imagine, d'après moi, c'était le party. C'était le qui se déroulait chez vous sans même que tu le saches. Et voilà, une fête underground. Underground. C'est plus underground que c'est fou encore, des puces. Ah ouais. Excuse-moi, c'était encore plus underground que c'est fou, point. Point à la ligne. Point à la ligne. Donc aujourd'hui, l'émission gros plan, très très chargé comme plan. Oui, fort chargé. Je pense notre émission la plus chargée à date de 2011. On a fait 4, mais oui, c'est la plus chargée de 2011. C'est la plus chargée quand même. On reçoit Simon Fitzbé qui nous fait sa chronique Phénomène. Oui, chronique est très intéressante comme toujours. Il nous parle de Captain Beefheart. Je connais pas du tout. Moi non plus. François Landry vient nous parler de politique et il nous demande, en fait, il nous cite à Chachan, comme diraient les Québécois, Chachan les élections. Personne qui dit ça. Ce matin, on va parler de ça. Oui. Ça va être intéressant aussi. Quelle odeur est-ce que ça a? Ah, ça, je ne sais pas. On va parler avec Kiwan en cavale en Alberta. Il va nous parler de son voyage à Yellowknife et aussi du groupe local Giant Con. Giant Con? Girl Con. Gros pas bon. Gros pas. Va en enfer. Giant Con, c'est le nom du groupe qu'on va entendre. Ah, t'es sympathique un matin, toi. Sympathique, mais je t'insulte en onde. C'est moi qui pourrais te dire ça. On est tellement proches, toi et moi, qu'on peut se permettre de s'insulter une fois. Ah ouais, mon gros pas bon. Merci. Travaille, le pas bon. Paye sur le piton. Donc, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. Je trouve que c'est bien comme plan, c'est un plan. Oh, oui, oui, oui. Rempli de choses, on manque pas d'affaires. Non, pas supposé. Not missing the affair. Not missing it! Hey! On commence l'émission avec la pâte à rose. Voici Chocolat. La petite pâte que tu mets à la vie à la mort. Tu es encore bien trop faible pour affirmer si fort. Que je serai dans le soleil pour t'éclairer encore. Je ne serai jamais qu'une fille qui t'attend. La nuit tombe et tu as sommeil. Alors dors, dors, je suis là. Yeah. nuit tombe et tu as sommeil. Alors dors, dors, je suis là encore et mon rêve sera d'être là. Trouble Andrew. Trouble Andrew. Chase Money. Chase Money. Chase Money, Trouble Andrew. Très bon album. D'ailleurs, la pièce d'après, il y a un featuring avec Santo Gold. Ben oui, Bang Bang. Bang Bang. Parle de l'affaire, toi, Bang Bang. C'est très, très bon. C'est un peu trop violent. Oui. C'est un peu violent. Ben, OK. Ben là. Ben, Matt. Ben, Ken. Faut bien les tuer, ces puces-là. Colin, t'es violent, moi. Tu es des puces! Tu es des puces, mais de quoi veux-tu parler, François-Olivier? Outrage des associations pour les protections, la protection des animaux va être outrage. T'es pas boîte, hein? Ouais. Ils sont sûrement pour les puces, par exemple. Je sais pas. Je sais pas, non? Je sais pas, c'est une très bonne question. Ce sont des animaux. Écoute, on pourrait peut-être interviewer. On va appeler à la spéciale. OK. Ou encore, on pourrait ne pas. Oui, on pourrait ne pas. On pourrait ne pas. On pourrait tout simplement ne rien faire, mais c'est pas dans notre mandat, Mathieu. Rien faire? Non, ne pas rien faire. Ne pas rien faire n'est pas dans notre mandat. Double négatif, je comprends pas. Donc, faire quelque chose est dans notre mandat. Ah, OK. C'est plus clair comme ça. C'est beaucoup plus clair. Bon, mais c'était un beau petit bloc sans contenu, je dirais. Donc, retournons en musique. Hein? On va l'entendre Metric. Metric avec la pièce Give Me Sympathy. Give Me Sympathy. Give Me Sympathy. Give Me Sympathy. C'est très très bon. D'accord. Et après ça, on parle avec Kiwan en direct de l'Alberta qui nous parle de son voyage à Yellowknife. Yellowknife qui est évidemment dans la... Mais tu étais là en camion? Il va falloir lui demander. Les conditions routières et tout et tout. La route de glace, avais-tu ça à Canada? La route de glace, la quoi? Hein? Ouais. La route de glace, là, les camionneurs en prennent ça sur un lac gelé. Non, t'as pas. Non, pas vu ça. Ah. Ça a l'air que c'est extrêmement payant. C'est-tu ça l'émission Ice Road Truckers? Ouais, je pense que oui. Ouais. Camionneur de glace? Ouais. Ça n'a jamais vraiment eu l'intérêt pour regarder ça. Ouais, une fois de temps en temps. Juste pour savoir c'est quoi. Ouais, j'avoue. Tu sais, c'est Kiwan. C'est Kiwan. Mais c'est pas Kiwan dans l'émission. Si c'était Kiwan dans l'émission, je l'écouterais même si ça parlait de Salut Chauveur Pinot. Salut Chauveur de Pinot. Ouais, croquant. Croquant. Got too close to the flame. Wild open space. Talk like an open book. Sign me up. Got no time to take a picture. I'll remember someday all the chances we took. We're so close to something that I left unknown. We're so close to something that I left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy. After all of this is gone, who would you rather be? The Beatles or the Rolling Stones? Oh, seriously, you're gonna make mistakes, you know. We took. We're so close to something that I left unknown. We're so close to something that I left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy. After all of this is gone. So the road.

Van Van 3000. Et les imitations des instruments par François-Olivier, c'est charmant. Yeah! C'est charmant. À place de marchand, m'a appelé charmant. Oh! Cha-cha-cha. Ça, c'est gentil, mon charmant. Ami. Charmant, non? Non? Ben, charmant, j'aime ça. Oui, oui. Oui. Mais peut-être pas... chanson, peut-être non, pas. Ouais, c'est ça. ça réfère à un drôle de produit. Mais t'es un gars qui essuie très bien ses dégâts. Écoute, je suis quelqu'un comme ça. Tu sais. T'es propre. Ben, faut le dire. Ben oui. On va dire les vraies affaires. Cha-cha-cha, charmant. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis et nos insanités continueront dans une deuxième heure tout à l'heure. Rempli cette fois-ci, cette heure qui suit, hein? Ça va être rempli? L'heure qui suit va être remplie, oui, c'est bien dit. Quand ça rime, c'est encore mieux, je trouve. J'ai essayé de l'échapper. Ah, t'as rimé encore! Oui, c'est charmant! Donc, tantôt, on a François Landry en fin d'émission avec sa chronique politique, le Logocratie 101. Avant ça, on a Simon Fitzbay. Simon Fitzbay. Dans le Simon Fitzday, est-ce que ça existe encore ce jour-là? Apparemment, il va falloir lui demander si ça continue, ce Simon Fitzday. Mais pour l'instant, on écoute l'Info Campus, alors reste avec nous. C'est dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est toujours en direct des studios de Sifou à Trois-Rivières en ce jeudi 13 janvier. François-Olivier Marchand est devant moi. Mathieu Plante est devant moi. Et vous êtes devant votre radio ou à côté? Ou vous regardez tout droit devant vous en conduisant une voiture? Peut-être. Peut-être sur la route, pas. Écoutez pas trop nos propos. Des fois, ça pourrait causer des accidents. Espérons pas. Espérons pas. Qu'est-ce que t'allais dire avant ça? Je sais pas. Ah, on écoute Adam avec Ligne secondaire. Et après ça, c'est Simon Fitzbay, Phénomène au 89.1 FM. Ma

Et pour terminer, parce que le temps file, dernier sondage qui a été fait au fédéral donnait Parti conservateur à 29,4%, Parti libéral 29,1%. Et ça, c'est pas loin. NPD 15,7%, Bloc québécois 10,9%, mais ça, c'est à travers le Canada. Oh, ouais. Et le Parti vert 13%. Donc, c'est très chaud, une très chaude lutte. On verra bien ce que ça va donner. Vous savez aussi bien que moi, un sondage en temps de paix, ça donne des chiffres farfelus parfois. Et en temps de guerre, soit durant une élection, c'est tout à fait le contraire. Donc, ça, c'est juste un indicateur. Mais dans les faits, disons que le Parti conservateur a une avance sur tous les autres partis venus ensemble. On verra la deuxième position à qui reviendra. Yeah. Eh oui. Merci, François. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toujours très apprécié ta chronique Logocratie 101 les jeudis à 8h30. On te retrouve la semaine prochaine pour ta deuxième et peut-être aussi mémorable. Oui, toujours. Là, je vais annoncer, je vais faire un Nostradamus de moi, je vais annoncer l'agenda de Jean Charest. Ah! Oui. Est-ce qu'il est aussi beau que l'agenda de l'OGE? Oui. Je suis en train de réfléchir. Probablement. Je vais dire oui, puis la semaine prochaine, je me rétracterai au pire. C'est ça, tu me demanderas de censurer tes propos pour les meilleurs moments. C'est bon. Donc, merci encore une fois, François Landry. Nous, c'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui, pour la semaine au grand complet, François. C'est terminé. Ben oui, on se quitte jusqu'à lundi à partir de 7h. Nous serons de retour en forme, comme toujours, après une fin de semaine de repos bien méritée. On remercie François Landry, on remercie Simon Fitzbé, on remercie Rachel, notre public en studio, qui pourrait au moins crier une fois. Bon, pas mal de ça. On l'a entendu quand même. Merci. Merci Mathieu. Mais merci à toi aussi. Reste à l'écoute plus tard dans la journée. Il y a Connaître ensemble à partir de 10h. Émission sur cette semaine, c'est la naissance orgasmique. Oh, soyez à l'écoute à 10h. Hein? Ça, c'est une plug qui fait que les gens vont l'écouter. Ouais. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Donc, soyez là pour ça, pour ses informations, sa musique, son divertissement, son lui-même. Pour Simon Fitzbé aussi. Pour Simon Fitzbé, son Simon Fitzbé. Ouais. On se le partage, c'est la garde partagée entre Danny et lui. Plus tard, moi, je vais être de retour à 13h pour une toute nouvelle émission. C'était fou, où on choisit une semaine. Dans l'histoire de C'est fou. C'est une bonne après-midi pour toi. Ouais, ben quand même. La Mathieu Plante après-midi. Oui, la PM avec MP. Oh! Tabarouette. Donc, il est rapide, hein? Il n'a pas l'air de ça, là, mais il est rapide. Ah oh, ouais. Comme ça, de même, je claque des doigts. Est-ce qu'on entend mes doigts claquer? Oh, ouais. Ça va. Donc, c'était fou. On choisit une semaine dans l'histoire de C'est fou depuis le 7 septembre 1997. J'ai la journée maintenant, je peux la répéter à maintes et maintes fois. On l'a choisi. On explore un petit peu le palmarès de la semaine en cours. On fait jouer un extrait d'une émission qui était en onde lorsque la date avait lieu. Hein? Mmh. Ça se dit pas vraiment comme ça, mais c'est pas grave. On a bien du temps à remplir, donc je peux complètement dire plein de tu détails. Tu pourrais le répéter par après. Comment? Tu pourrais te répéter même. Oui, 2-3 fois, oh, ouais, en effet. Donc, c'est ça, extrait d'une émission comme, mettons, je sais pas, on va avoir Funky Torch bientôt. Émission de funk, c'est très très bon. Pure Land s'en vient, sans retenue. plein d'autres. Peut-être une des 15 émissions de Simon qu'il y a eu dans sa carrière. L'an passé. Donc c'était fou à partir de 13h, puis après ça c'est les palmarès C'est fou avec Stéphanie et moi. Stéphanie n'est pas là cette semaine, donc juste moi. Ah. Ça va être juste moi toute l'après-midi, ça va être beau, ça va être bon. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent, passez une excellente fin de semaine. François, ciao ciao. Ciao ciao Mathieu. Ciao ciao Simon. Salut. Ciao ciao François. Ciao, ciao ciao public en studio, dernier petit cri. Yeah. Yeah. Merci. 'Horizon de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.